Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Camille Lavabre. Salut Camille, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. On avait partagé une scène ensemble, on avait fait la Deb Jam ensemble il y a quelques années. Et... ça remonte maintenant, ouais. Ah, ça remonte à un moment. C'était à l'époque où il y avait, comment ça s'appelle, du spectacle vivant? Ouais, ouais, alors ouais. À l'époque, ouais, y avait ça, ouais, ouais. C'était le bon oui, temps. Parce que, mesdames et messieurs, quand on, là, au moment où on enregistre, en fait, les salles ne sont toujours pas déconfinées, mais heureusement, et je l'espère, quand l'épisode sortira, parce qu'il sortira plus vers octobre, le mois d'octobre, un truc comme ça, à ce moment-là, voilà, j'espère vraiment qu'on sera sur scène aussi. En train de kiffer. Ah oui, à moins que Macron nous ponde un 17e confinement d'ici là. Une 17e vague. Oh, punaise. On en a la marre. La vague infinie. Ah, ouais, je te jure, ça n'en finit pas. On a vraiment l'impression. C'est une vague, c'est un tsunami, quoi. Ouais. Ah, oula, ah oui, non, là, on l'a pris de plein fouet, le tsunami. On l'a pris dans la gueule. Ouais. Oh là là. Enfin, bref. En tout cas, à ce moment-là, j'avais découvert un peu ton univers et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et c'est pour ça que je m'étais dit que. Merci beaucoup. Ah ben, c'est sincère, hein. Et je m'étais dit justement, ce serait marrant de voir les anecdotes qu'elle a eues pendant sa carrière en fait, sur scène et tout. Donc, quelles sont les anecdotes que tu voulais nous raconter? Tu voulais une galère? J'ai tout de suite pensé à une anecdote très précise, même si honnêtement, la vie d'un humoriste, c'est connaître plusieurs galères et notamment plusieurs bides. Ça fait partie du game. Hein. C'est, voilà, on ne va pas se mentir. Même si c'est aussi d'autres moments super cool, hein. C'est pas que des galères. Mais non, je pensais à une scène que j'ai faite vraiment au tout début, quand j'ai démarré le stand-up. Je faisais du stand-up depuis peut-être 2 ou 3 mois et c'était, tu sais comment c'est au début, hein, quand tu démarres le stand-up, tu joues pas tous les soirs, quoi. C'est pas la folie, il faut te faire un peu connaître, donc on t'appelle pas forcément tout de suite pour jouer sur des plateaux au début. Donc à ce moment-là, c'était peut-être la 6e ou 7e scène de ma vie. Je joue au Paname. Et tu sais, au Paname, t'as des plateaux un peu toutes les heures. Et le week-end, tu as des plateaux assez tard. Oui, oui, oui, ça s'enchaîne beaucoup, ouais. Voilà, ça s'enchaîne pas mal. Et je suis programmée un samedi soir à 23h45. Déjà, voilà, tu vois, 6e plateau de ma vie, je fais le 23h45 du Paname, qui est un plateau hyper formateur. Mais non, voilà, je fais ce plateau, et j'étais un peu flippée. Évidemment, parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur ce fameux plateau de 23h45, notamment les gens ont picolé avant, ils sont un peu en forme, ils ont un peu envie de faire la fête, ils sont un peu déchaînés, quoi. C'est ça. Moi, j'ai entendu quoi, il y avait de la viande saoule à foison pendant ces plateaux-là. Et ouais, après, c'est très cool aussi. Hein, c'est très cool. De toute façon, je trouve que le public du Paname, globalement, est toujours assez cool. Il y a toujours de l'ambiance, c'est toujours plein. Donc, c'est quand même un luxe de jouer là-bas. Mais bon, n'empêche qu'à 7h06, c'est un peu dur. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est très... Le problème, c'est que tu n'avais pas encore l'expérience nécessaire pour affronter ce genre non. de plateau. Voilà, non. Et il faut savoir que ce jour-là, j'étais malade. J'avais chopé un petit truc, j'avais un souci de santé. Et donc, j'étais sous traitement, mais un traitement un peu de cheval, quoi. D'accord. Et quand tu joues à 23h45, il faut combler la pré-soirée. Il faut faire quelque chose avant. Alors, soit tu restes chez toi jusqu'à 23h et c'est un peu cafard et tu sors de chez toi à 23h pour aller bosser, c'est un peu chelou. Soit tu fais un truc avant et puis t'enchaînes avec ton plateau, quoi. Ouais. Et j'opte donc pour cette option. J'ai des amis qui allaient boire un verre en terrasse et qui m'ont proposé de venir. Je leur ai dit ok, bon, je joue après, mais tranquille, quoi. Et en plus, ces amis avec qui j'étais allaient venir me voir ensuite sur le plateau. Déjà, moi, je sais pas toi, mais moi, dès que j'ai des amis dans la salle, je déteste ça, je suis encore plus stressée. Moi, j'ose pas les regarder dans les yeux. Ah, non, l'enfer, mais non, jamais de la vie, alors ça, n'en parle même pas. Ah, mais laisse tomber, je regarde tout le monde sauf eux, tu vois, vraiment. D'accord, bien sûr. C'est terrible, hein, c'est terrible. C'est ça. Et donc moi vraiment ça c'est un stress permanent. Et d'ailleurs généralement quand un ami proche est présent dans la salle, en général je suis pas top, je suis pas bonne, quoi, parce que je ne pense qu'à ça et que ça me rajoute un énorme stress supplémentaire. Bon, bref. Donc, je savais que ses amis allaient venir, mais en plus, avec toute leur bienveillance et tout, vraiment, c'est de très, très bonnes amies. Et tu vois, je doutais absolument pas de leur bienveillance et tout ça. Mais bref, ça m'a stressée. Ça, ajouté au fait que donc, j'étais sous traitement. Et il se trouve que, donc, juste avant, on va boire un verre et que moi, je me dis, ben, évidemment, je bois du Perrier puisque je joue après et que j'ai ces fameux médicaments. Sauf que je me fais un peu engrainer et que finalement, je craque, je bois un verre de vin blanc. Juste un verre de vin blanc. Mais je sens que déjà le mélange n'est pas top. Et donc j'arrive au Paname, je joue. Alors le plateau de 23h45 avait un petit peu de retard et en plus de ça, je passe dans les derniers. Donc autant te dire que en fait je joue à 1h du matin quoi. Je suis éclatée, je suis défoncée en fait. Enfin, tu vois. La fatigue, le stress, ce verre de vin qui m'achève, etc. Je joue et je sens que le public est un peu dissipé, je sens qu'ils ont un peu picolé, tout ça. Je sens que le public me répond. Tu sais, quand le public te répond, t'as envie de dire, je m'adresse à vous, mais bon, il y a quand même des codes, quoi. D'accord, il n'y a pas de quatrième mur et c'est une adresse publique, mais enfin, répondez pas toutes les 14 mots parce que sinon, on va pas s'en sortir du tout, quoi. Ah, c'est ça, c'est pas, faut pas trop de premier degré, quoi. C'est ça exactement. Et avec mon niveau de débutante en plus, donc pas vraiment de répartie, je reste très focus sur mon texte et tout ça. Donc bref, je commence à perdre mes moyens, je commence à plus sentir ma salive, je sens plus ma langue et je fais comme une crise de panique en fait, comme une crise de panique et de tétanie. Et je tourne un peu de l'œil, je suis pas bien et je fais carrément une attaque de panique et donc je sors de scène, quoi. Je quitte le micro, je sors de scène. Je pense que les gens ont pensé que c'était dans le sketch. En même temps, c'est pas drôle du tout. Donc, j'aurais jamais. Enfin, tu vois, c'est même pas une vanne, c'est pas marrant. J'imagine les gens à la fin de la soirée, punaise, la chute, elle n'était pas terrible. Ouais, tu sais, la meuf qui a fait une attaque de panique, là, on n'a pas compris. Non, non, non, c'était absolument pas voulu. Et voilà, et je sors de scène. Mes amies qui étaient présentes sont sorties aussi. Elles sont venues me voir dans la petite loge, tu sais, derrière la petite loge du Paname, derrière le rideau, là. Ouais. Elles viennent me voir. Je suis en train de tourner l'œil. Il y a le patron, Karim Kachour, qui descend. Parce que, bien sûr, on lui fait pas ses mots. Il descend, il m'amène un verre d'eau, un truc, un machin et tout. Et tu sais, en plus, c'était vraiment les débuts. C'est le moment où tu dois faire un peu tes preuves et tout. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est fini pour ma gueule. Je me suis grillée au Paname. Enfin, tu sais, je me suis fait toute une montagne. Alors qu'en fait, non, tu vois, c'était cool. Ils ont été plutôt sympas. Ouais, ben, je comprends. Mais. Après, c'est l'accumulation, quoi. Parce que, en fait, tu avais le stress de la maladie, le stress de l'alcool, le stress de tes amis dans la salle et le stress de je suis en train de me planter et je vais C'est être ça. banni du Paname, tu vois. C'est Donc, ça. vraiment, là, Mais en tu fait, je avais. me suis posé la question de est-ce que c'était lié à mon état ou de santé, ou même si j'avais été en forme, je l'aurais quand même mal vécu parce que est-ce que c'était vraiment une crise de tétanie, une crise de panique que j'aurais pu avoir même sans ça, tu vois, je ne sais pas en fait. Je pense qu'effectivement, c'était l'accumulation de plein d'autres choses, mais bon, après, bon, le fait est que j'ai pas du tout géré, quoi, que j'ai quitté, mais personne fait ça, personne ne laisse le micro et sort de scène, ça n'existe pas, tu vois. Et en plus, Alors, ça met les autres en galère. Je me rappelle, je jouais avec Donnell Jacksman qui était venu juste après moi, qui avait récupéré le micro, qui avait vachement bien rattrapé le truc, mais. Tu vois, il fallait vraiment un mec balèze derrière pour rattraper ça, parce que c'était clairement un move de débutant, quoi, ce que j'ai fait, ouais, mais si tu de veux, n'importe l'abandonner. qui. Ouais, mais t'as abandonné, mais moi je pense que t'as senti que de toute façon, si t'avais continué, ça aurait été intenable, quoi. Je veux dire, c'est normal d'avoir fait Alors, ça. ouais, mais N'importe oui et qui. non, t'es censé aller au bout, et puis en fait, autant jouer la carte de l'honnêteté dans ces cas-là, tu vois, et de dire, Ouais. ok les gars, bon, un, vous êtes archi dissipés, deux, je suis un peu défoncée par. Enfin, tu vois, il faut dire les choses, quoi. Et moi, non, non, non, j'étais juste comme une gamine qui était là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pars, je fuis. Je pense très sincèrement que même quelqu'un d'expérimenté, s'il sent qu'il est en train de partir, tu sais, moi j'écoutais une histoire de Kian Kojandi qui un Ouais. soir a pas réussi, il n'était pas bien et tout, et je crois qu'il y avait Verino dans le public et Ok. il n'était pas bien, il a dit j'y arrive plus là, enfin ça va pas quoi, et il a dû quitter la scène et Verino l'a remplacé et du coup Oh Verino a fait son putain. spectacle à sa place. Donc tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est Voilà, dingue. Bah pourtant, moi, il y avait Gad Elmaleh, mais il n'est pas monté, tu vois. Non, c'est faux. C'est pas c'est vrai. Non, mais, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire même en étant pro et tout, il y a un moment où quand le corps dit stop, parce que lui c'était de la fatigue, tu sais, il avait enchaîné une tournée de malade et tout, quand le corps dit stop, voilà. Moi c'est vraiment mon corps, enfin ça m'est jamais arrivé de. Et oui. Sur scène en tout cas, ça m'est jamais arrivé de plus sentir de voilà. Vraiment de, je sentais plus mes membres quoi. Ouais. Ben enfin, oui, vraiment la crise de panique. Voilà, mais c'est normal. Mais tu sais, tu disais que c'était un move de débutant. Pour moi, le move de débutant, ça aurait été de partir, c'est-à-dire de partir juste, pas parce que tu te sens pas bien, parce que là, tu te sentais réellement pas bien, genre ouais. De partir parce que tu bides. Tu vois, tu bides. Oui, oui, oui. Et après, tu fais au revoir, tac, tu poses le micro et tu te barres. Ça, c'est un move de débutant. Mais partir parce que t'as une crise et tout, t'es en train de vivre une crise, bah, enfin, c'est normal, quoi. Moi, je connais personne qui est capable de continuer alors qu'il est en train de sentir que son corps est en train de le lâcher, quoi. Ouais, bah écoute, bon, bah ça me rassure ce que tu me dis, alors ça va. Non, alors, mais c'était franchement. Pas si grave. Non, c'est pas. Non, non c'est mais pas, bon. Ça peut arriver, mais vraiment. Mais tu vois, n'empêche que ce soir-là, en fait, j'étais très heureuse que mes amis soient dans la salle et qu'elles me ramènent chez moi ensuite. Tu vois, enfin, en fait, c'était hyper rassurant leur présence après, quoi. Ouais, ouais. Après coup. Je suis contente qu'elles étaient là dans ce moment-là, finalement, tu vois, parce que. Après, tu vois, c'est un petit peu l'œuf ou la poule parce que tu te dis, t'es contente qu'elles aient été là parce que oui. T'as fait. Non, mais. Et si elles avaient pas été là, est-ce que t'aurais fait la crise? Non, mais. Je suis désolée. Oui, c'était pas lié à leur présence. Bien sûr que j'avais un stress supplémentaire parce qu'elles étaient là, mais c'est pas ça qui a provoqué le truc. Hein, non, clairement je pas. Plaisante, hein, t'inquiète pas, je cherche les ennuis. Hein, j'essaye non, mais moi, je suis très premier degré, faut que tu saches. Donc, en fait. La meuf répond à tout hyper sérieusement. Non, je ne crois pas que mes amis me voulaient du mal, tu sais. Non. Mais tu sais, on a cette pression parce qu'on se dit, en plus, tu sais, nos amis entendent parler de nous comme étant, tu sais, genre quand même bons sur scène et tout, on va dire. Tu sais, ils disent, j'ai vu les photos sur Facebook, il paraît que ça s'est bien passé. Ouais, c'était génial, bah tu viens quand? Et après, le jour où ils viennent, tu bides. C'est exactement ça. Moi, tu sais quoi, ça m'est arrivé. J'ai une amie, en fait, qui voulait venir voir le spectacle. Je lui ai dit, je te jure, ça se passe bien et tout, vraiment, je suis super content. Elle est venue à 2 ou 3 dates. Et à chaque fois, et je lui dis d'ailleurs, je lui dis, tu dois me porter la poisse en fait. À chaque fois, il y avait quelque chose. Tu veux, il y avait une date où il y avait quasiment personne. Il y avait une deuxième date où il y avait un mec bourré qui nous a saoulé pendant tout le spectacle. Mais heureusement, j'ai réussi à le gérer et je considère que ce spectacle-là, c'est le meilleur des trois. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, si tu dois garder une image, garde celui du milieu, c'est pas grave. Et le dernier. C'était un truc où c'était un repas spectacle et je leur avais dit s'il vous plaît ne faites pas manger les gens pendant le spectacle, faites les manger avant ou après, et malheureusement on n'a pas pu côté timing, c'était impossible à gérer, donc j'ai joué pendant qu'ils mangeaient et du coup c'était un flop total quoi. Ah là là, ça c'est dur hein. Voilà. Et le pire c'est que le lendemain quand je vais jouer quelque part et que ma pote elle me dit alors vas-y c'était comment, et le pire c'est que j'ai déchiré quoi, tu vois, mais elle était pas là, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais oui. C'est la frustration. Tu sais, t'as l'impression de passer pour un mytho, tu vois. Oui, c'est envie de dire, mais si, je te jure que d'habitude ça marche, je t'assure. Je montre des enregistrements. Mais, franchement, ouais. Et je suis sûr que si je lance l'enregistrement, ça va rien enregistrer, en fait. Tu sais, je veux dire, mais c'est bizarre, hier oui, ça marchait. Ça. Tu vois, je te jure. C'est je te jure, le téléphone hier, il marchait aussi. Ah, laisse tomber. Et je trouve que le pire encore, c'est quand c'est ton amoureux ou ton amoureuse qui vient te voir jouer. Alors là, moi, je me décompose. Bah, c'est risque de rupture immédiate, là. Ah ouais. Tu sais, en plus, la personne te dit, mais non, mais moi, je suis là, tu sais, moi, je te soutiens. Moi, mon but, c'est de te soutenir. Dire, mais non, mais tu sais pas, en fait, ce que ça provoque chez moi. Et les gens se vexent. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que ça soit un truc qu'on me reproche dans ma vie personnelle, tu vois, de la sensation que de ne pas partager avec l'autre. Mais tu dis, mais c'est pas que je veux pas partager avec toi. C'est que, en fait, c'est juste que j'ai pas envie de faire un AVC. Enfin, tu vois, je vais perdre mes moyens. Il y a carrément des humoristes qui interdisent à leur entourage, genre famille et tout, tu vois. Ils leur interdisent de venir. Ils leur disent, ne viens pas, s'il te plaît. Tu le regarderas plus tard quand je te ramènerai une captation ou quoi. En Blu-ray. En Blu-ray, voilà, c'est ça. En Blu-ray, parce que j'ai pas envie de bider en HD, tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi, s'il te plaît, dans les bonnes conditions, parce que voilà, tu vois. Parce qu'après, je peux comprendre. Il y en a certains, si tu veux, ils veulent pas que leur famille soit dans la salle parce qu'ils parlent vraiment très, très crûment de leur famille. Voilà, ils veulent pas que leur famille entende ce qu'ils disent sur eux, tu vois. Enfin, si tu veux, ils assument et ils leur disent, je te montrerai, mais je te montrerai en vidéo. Je veux pas que tu sois dans la salle quand je le dis, quoi. C'est dur, hein. Et puis, tu sais, je comprends tout à fait, tu vois, les gens, tu sais, quand ils sont proches de toi, tout ça, ils viennent te voir. Après, tu te sens vraiment honteux, tu sais, t'es honteuse après quand ils viennent te voir et que tu bides. Et tu sais, limite, après, ils viennent te voir, ils te font, tu peux reprendre tes études ou c'est trop tard, là, tu vois, Non, tu sais, ils viennent te voir sur un plateau et ils te font il était bien lui, après, il nous a bien fait rire. Tu fais ouais, c'est vrai qu'il était super. Ouais, très marrant. Tu sais que j'étais le numéro d'avant ou le numéro d'après. Tu sais que j'ai joué aussi ce soir. C'est s'ils te font aucun retour, ils te parlent pas de toi, ils te disent on a passé un super moment. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, t'as envie de leur dire, mais dites-moi, et ils ont envie de te préserver, mais en même temps, le silence est pire, tu vois. Le fait de ne pas faire de retour sur ce que t'as fait, ouais, c'est comme s'ils te disaient, écoute, c'est tellement violent ce que je vais te dire que je pense que t'as pas la capacité de tenir le. Après, enfin, c'est bien d'être honnête aussi, tu vois. Autant, j'interdis à quasiment tout le monde de venir. Autant, j'ai 2-3 personnes dans mon entourage qui sont soit... Bon, les humoristes, évidemment, on se regarde beaucoup entre nous, donc ça, c'est normal. Mais même, tu vois, j'ai une de mes meilleures amies qui est comédienne, Alexandra, qui vient très souvent... Enfin, qui est quand même venue très souvent me voir. Et je sais que ses retours à elle seront toujours constructifs. Et donc, j'ai pas de problème à ce qu'elle vienne me voir. Enfin, ça me fait toujours un petit stress. Je me dis toujours, oh mon Dieu. Mais en fait, c'est toujours hyper intéressant ce qu'elle va me dire après. Ouais, et puis tu sais que c'est bien. Et c'est toujours très bienveillant. Voilà. Et donc, ça m'intéresse presque parfois. Tu vois, je lui dis, là, j'ai de la nouveauté. Presque, faut que tu viennes et faut que tu me fasses ton retour. Quoi. Mais voilà, c'est peut-être une des seules. Le reste, tu sais, même les potes. Les potes de deuxième plan, ceux que tu vois un peu moins souvent, etc., que tu vois 2 fois par an et qui disent « Mais attends, mais c'est vrai que tu fais du stand-up, faut trop que je vienne !» Tu leur dis « Non, c'est vraiment pas la peine. Va au Cinoche, va voir Anne Roumanoff, mais ne viens pas me voir. » Après, cette bienveillance qu'elle a, c'est peut-être dû au fait qu'elle-même, elle fait de la scène et elle comprend ce que c'est. Bien sûr, elle connaît ça. C'est dur d'expliquer à quelqu'un, tu vois, on dit les moldus pour déconner souvent et tout. C'est dur d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais fait de scène, en fait, la difficulté que c'est de monter et puis la gestion d'une salle et tout. Alors que quelqu'un qui fait de la scène, il se met à ta place, en fait. Quand il est sur scène, il voit, il se passe quelque chose dans la salle et il voit comment tu le gères et il s'imagine lui comment il l'aurait géré. Et après, il te fait un retour dessus et tout et il se met. Il y a aussi le retour dans le genre de personnes qui comprennent ça très très bien, le retour de certains humoristes. Moi, j'ai des amis humoristes dans le stand-up, tu vois, qui me quand ils voient mon passage, je me dis on est dans le même bateau et pareil, je sais que les retours qu'ils me feront à la fin seront constructifs et bienveillants, tu vois. C'est assez rare d'avoir des personnes comme ça en qui j'ai confiance, mais il y en a quand même, quoi. Mais on n'est jamais contre, tu vois, des fois les gens disent ouais, vous acceptez pas les critiques et tout. Non, moi si quelqu'un vient me voir, tu vois, ça dépend comment c'est dit. Si quelqu'un vient me voir et me dit c'est quoi ce que t'as fait, c'était pourri, dégage, ça m'intéresse pas comme retour. Mais si la personne vient me voir et me dit écoute, t'as aussi des humoristes qui viennent te dire mais pourquoi tu fais ça. Alors déjà, toi tu ne me fais pas rire, donc pourquoi tu ne me fais pas rire, tu vois, c'est hyper bizarre, c'est hyper violent de venir vers, enfin je ne t'ai rien demandé, tu vois, c'est très intrusif, moi je fais jamais ça d'ailleurs, un humour que je comprends pas, j'irai jamais voir la personne et lui dire mais pourquoi tu fais ça. Moi je me dis que je suis pas le cœur de cible et puis c'est tout, hein. Je laisse la personne faire, elle trouvera son public ou pas, mais ça ne me regarde pas, c'est pas à moi de faire ça. C'est ça, déjà, exactement. Tu as utilisé le mot intrusif et tu as totalement raison, parce que je trouve que à partir du moment où tu n'as pas demandé un retour d'une personne, déjà, il ne faut pas qu'elle t'en fasse un normalement. Si tu n'as pas demandé de retour… Oui, c'est ça, tu n'as rien demandé. Ouais. Voilà, tu n'as rien demandé, c'est ça. Mais après, quand quelqu'un vient te faire un retour spontané, si c'est un retour constructif, en mode par exemple, écoute, j'ai regardé ce que tu as fait et très franchement, peut-être que ça manquait un peu de mise en scène ou de jeu de lumière ou je ne sais pas. Oui, bien sûr. Oui, mais tu sens tout de suite si j'ai un conseil à te donner, un truc qui va te servir, je pense que ça peut te servir et je te le donne, fais-en ce que tu veux. Et tu sens quand c'est juste pour venir te rajouter pour te détruire, une interrogation un peu inutile, quoi. Ouais. Du coup, pas bienveillante. Enfin, et bien, là, dans ces cas-là, ça se sent. Ah, mais ouais, de toute façon, tu le sens à la façon de le dire et tout. Oui. Et franchement, quand c'est pas bienveillant ni rien, moi, je m'en fiche complètement, j'écoute pas, tu vois. Et quand c'est bienveillant, j'écoute. Et après, je prends les conseils qu'on me donne. Je les suis ou je les suis pas, parce que après, c'est toujours toi le maître à bord, tu vois. Et voilà, tout simplement, c'est toi qui décides. C'est toi, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit ouais, Camille, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça et tout machin, je trouvais que t'allais trop vite ou trop doucement ou je sais pas quoi. C'est toi la maîtresse à bord, c'est toi qui décides si tu veux ralentir ton rythme la prochaine fois ou si tu estimes que cette personne-là n'a pas adhérer et que tu n'as pas à changer ton style, c'est tout. C'est nous qui devons, voilà, c'est-à-dire les conseils, parce qu'il faut faire attention aussi aux gens qui te donnent un conseil, et si tu ne le suis pas, parce que genre la scène d'après, il sera là aussi, si tu ne le suis pas, il fait la... Mais excuse-moi, tu es qui, toi ? Tu m'as donné un conseil. Non, c'est bien de choisir, je pense, 2-3 personnes à écouter, mais si tu conseilles que tu es à ta entière, on ne s'en sort plus. Donc, on n'a pas le temps d'écouter tout le monde, malheureusement. Oui, bien sûr. Et du coup, si jamais on n'en a pas sous la main, est-ce que tu peux nous prêter ton amie comédienne ? Alexandra Branel, avec joie. Tu fais de la location d'amis ? Ouais, je la prête, mais il faut me la rendre, hein, parce que moi, c'est précieux. Hein. Et puis, je suis très exclusive en amitié, donc tu vois. mais c'est avoir quelqu'un comme ça de bienveillant comme Alexandra et tout, ça c'est fait clair. Vraiment plaisir. On n'a pas tous la chance d'avoir ça, mais quand on trouve quelqu'un comme ça, c'est bien. Tu vois, moi j'essaye d'avoir cette bienveillance en tout cas avec mes amis quand ils me demandent un retour et tout. Et c'est vrai que c'est un soutien précieux parce que tu t'en rends pas compte quand tu montes sur scène et tout, mais toujours un petit regard extérieur bienveillant, ça peut te sublimer tes sketchs, quoi. C'est clair. Et c'est toujours même, tu vois, moi quand j'arrive sur certains plateaux, quand je vois que je vais jouer avec des amis humoriste, si je vois qu'il y a Alexis Rossignol, Paul de Saint-Sernin, tu vois, des gars comme ça, je suis contente parce que je me dis ah c'est cool parce que je suis bien entourée, du coup je me sens en confiance et je sais qu'en plus derrière ils peuvent me faire progresser, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a la bienveillance chez les spectateurs, chez les amis, chez les humoristes, et il y a ceux qui ne sont pas bienveillants, bien sûr, il y a de tout, mais heureusement, il n'y a pas que des mauvaises personnes, on peut encore compter sur les collègues, sur les amis et c'est tout clair. Et sur voilà, les filles, et je tiens à dire ça aussi, qu'il y a une vraie solidarité entre les meufs dans le stand-up, je trouve. On est très solidaires entre nous et ça, c'est cool aussi. Moi, j'adore les plateaux que de meufs, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut, en fait, parce que malheureusement, vous avez été poussés à créer ça parce qu'il n'y avait quasiment pas de meufs sur les plateaux. Ouais. Oui, je crois que le pire pour une meuf, c'est pas vrai, hein, y a beaucoup de filles dans l'humour. Hein, non, il y a beaucoup de filles dans l'humour, mais on leur donne pas beaucoup de place, malheureusement. Pas assez, en tout cas. Ouais, ah bah bien sûr, moi je crois que le pire pour une meuf, c'est quand elle entend « Écoute, on a besoin d'une fille pour ce soir, si tu veux, viens. » Ah, bien c'est sûr. Le truc. Viens et sois la touche charme de la soirée. Ah, c'est ah, la touche charme. Oh non, là, c'est ça y est, ça passe plus maintenant, ça, tu vois. C'est clair, hein, ça c'est fini. Ça passe plus. Non, mais voilà, pour moi, t'es marrant ou t'es pas marrant, c'est tout. Il n'y a pas de t'es une fille, t'es un garçon, machin, c'est comme ça. Ouais. S'il doit y avoir un plateau que de mecs parce que ce sont les meilleurs, bon, bah tant mieux. Si c'est un plateau que de filles parce que ce sont les meilleurs, eh bah tant mieux, on s'en fout. Ouais, voilà, mais après. On essaye de mélanger un peu les deux. Mais je veux dire, il ne faut pas prendre quelqu'un juste en mode « Ah, zut, il nous faut quelqu'un pour légitimer le plateau. Allez, toi, tu es une fille, on s'en fout de ton niveau, viens. » Non, je m'en fiche. Je ne veux pas qu'il y ait 50-50. Je veux qu'il y ait des gens drôles, point. Tu vois, je m'en fiche, fille, garçon, machin, je m'en fiche. Mais faut pas regarder le quota, tu vois. C'est comme au boulot. Moi, j'estime qu'il ne faut pas prendre 50-50, tu vois, de chaque genre. Il faut pas. Il faut vraiment se dire, on va prendre des gens sur leurs compétences. C'est ta capacité à monter à 23h45 au Paname et faire rire les gens. Ouais. D'ailleurs, ton passage à ce moment-là, il se passait comment jusqu'au drame? Il se passait comment? Bah, tu sais, c'était vraiment les débuts. Donc, moi, je me souviens que le tout premier plateau de ma vie, j'ai eu la chance du débutant. Mon tout premier plateau, c'est très bien passé. Et puis, le deuxième était une catastrophe, quoi. C'est souvent la même histoire. Ouais, en plus, la deuxième fois, tu vas un peu confiant. Tu peux voir, exactement. La première fois, souvent, le doute, tu vois, le doute et la peur te rendent efficace, tu vois. Et la deuxième fois, tu te dis... En fait, c'est la première fois. Je le fais une fois. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, j'arrêterai. Et puis voilà, ça sera juste un mauvais souvenir. Et puis ça aurait été une expérience. Puis la deuxième fois, il y a un peu plus d'enjeux quand même. C'est ça. Tu te dis, je sais comment ça marche. Et puis tu montes sur scène et tu vois que ça ne marche pas. Et bah, tu te remets en question. Et puis si tu as attrapé... Alors, il y en a qui peuvent s'arrêter souvent après la deuxième scène, je pense, tu vois. Mais si après la deuxième scène, tu as quand même envie de remonter, ça y est, c'est que tu as attrapé le virus, tu vois, vraiment, et que tu le lâches. Si tu as envie plus, de remonter après ton premier bide, c'est que c'est OK. C'est que t'as... C'est exactement ça. Et il y a certaines personnes, tu vois, je pense notamment à Louis Dubourg qui racontait que sa première scène, c'était un bide. Et il avait qu'une seule envie, c'était de remonter sur scène après, tu vois. Et moi, j'étais étonné parce que je pensais comme toi. Je me disais, normalement, si tu montes sur scène et que ça bide pour la première fois, bah, tu te dis, c'est mort, j'y retourne pas, quoi. Mmh. Et bien, pas du tout. Vrai. Apparemment, il y a d'irréductibles humoristes, tu vois, qui sont capables de bider la première fois et de se dire, je vais y arriver, je vais passer outre ce bide et puis je vais réussir, quoi. Et c'est quand même beau d'avoir cette persévérance, quoi. Et c'est ce qui fait la beauté du truc, tu vois. Il y a des galères, tu vois, tu le disais tout à l'heure, il y a des galères et il y a des bonnes choses. Et heureusement, voilà, parce qu'il faut l'un pour contrebalancer l'autre, tu vois. C'est, ouais. Si tu n'avais que des galères, bah, ce serait triste. Si tu n'avais que des succès, tu les apprécierais pas, exactement. Voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup, Camille, pour cette super anecdote. Merci à toi, Sofiane. Merci. Franchement, avec grand plaisir. Hein. C'est un plaisir pour moi d'écouter les anecdotes des humoristes et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. Ouais, c'est cool. C'est une excuse pour moi pour écouter les histoires marrantes et franchement, je suis ravi de les partager. Merci à toi de l'avoir partagé avec nous, en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, essentiellement. Mmh. Le reste, j'y vais pas trop. Et je m'appelle Camille Lavabre avec un tiret... tiret underscore, ouais, le tiret du bas. Je parle comme une des années 2000. Ouais, tiret, voilà, le tiret du 8, là. C'est ça, c'est 74 ça. 74 ans, ouais. voilà, parce que Camille Lavabre, c'était déjà pris. Oui, oui. Et, bah, ça a l'air d'être croire que quelqu'un d'autre avait le gamin. Ah bah écoute, je pense que c'est un nom quand même assez assez répandu. Oui. Et ouais, voilà, c'est d'accord. Ah. Mais est-ce que ça va si je dis que tu as peut-être le même nom que les autres mais tu es unique à nos yeux? Si je m'attendais à cette fin, à ce bouquet final, à la fin, tu me surprends. Mais avec grand plaisir, vraiment. En tout cas, je sais que quand tu es stand-upper, ton style sur scène, ce ne sera jamais le style d'aucun autre. Donc, tu as cette unicité qu'on essaye tous d'avoir et vraiment bravo. Donc, on te retrouve sur Instagram. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.